titre du deuxième meilleur disque que j'ai reçu au cours de l'année 2018 pour mes commentaires de disques, Horizon, de la formation acadienne, qui est dans une classe à part, là, je vous jure. Vishtun nous offrait ce bel opus en 2018, Horizon. Un niveau de qualité d'enregistrement hors du commun, des mélodies, des arrangements, des performances presque parfaites. Horizon de Vishtun nous captive de par la force des voix des jumelles Emmanuel et Pastel Leblanc. Et aussi une réalisation vraiment là, des plus solides. Tout est précis, tout est clair, tout est bien placé. Donc vraiment un très bon album. Je vous donne une adresse, vishtun.net, groupe de la... surtout de l'île du Prince-Édouard. Pascal Miouf vient des îles de la Madeleine. Laissez-moi vous dire qu'ils sont très occupés. Ils sont partout dans le monde. Mais ils sont fiers d'être des Acadiens d'ici. On les écoute avec BB Box ainsi que La Fleur du Souvenir. Thank you. moi. Moi qui t'aimais sans crainte et sans alarme, dedans mon cœur je n'ai que tes soupirs. Et j'ai perdu l'accès à tous tes charmes. J'ai gardé la fleur du souvenir, mais j'ai gardé la fleur du souvenir, mais j'ai gardé la fleur du souvenir. Eh bien, le meilleur album de 2018, je l'attendais depuis longtemps. En 2011, j'avais reçu un super petit album, Pianoscope, qui me fit tomber en amour avec une musicienne exceptionnelle, Alexandra Streliski. 7 ans plus tard, elle nous offre un autre excellent produit, Inscape, un genre d'album qui, par sa simplicité et sa générosité, réussit à captiver toute la profondeur de l'âme de l'auditeur. Seul au piano, avec une ouverture profonde sur ses émotions, Alexandra Streliski nous livre encore une fois un chef-d'œuvre hors du commun, un must pour les amateurs de musique presque divine. Je vous donne une adresse, allez découvrir son univers, je vous le jure, vous allez tomber en amour exactement comme moi. AlexandraStreliski.com, Streliski. Donc, AlexandraStreliski.com, allez découvrir ça. Je vous envoie 2 pièces de cet album-là. On vient l'entendre là plus tôt. On va y aller avec tout simplement Interlude et Le Nouveau Départ. Voici une compositrice qui, ces temps-ci, est dans la mire de tout le monde parce qu'elle est excellente. Voici Alexandra Streliski. Et voilà, une autre belle année qui se termine. Donc, je vais vous rappeler là, mon top 10 de 2018, les 10 meilleurs albums que j'ai reçus pour mes commentaires de disques. En 10e, c'était Eternal Cycle de Jean-Cyan MG Trio au jeansyanmg.com. La 9e, c'était pour l'Acadien Tommy Bonjour, son album éponyme, fait sur Facebook, fait musicien Tommy Bonjour. La 8e, l'album Nous de Kiris, kirismusiqueenanglais.com. La 7e, c'était tout simplement Julie Kim. Vous faites tout simplement Julie Kim. C'est julie-kim.ca. C'est pour son album Portrait. La 6e revient à Annie Blanchard qui nous arrivait comme ça avec un bel album de reprise de grands classiques francophones, l'album Welcome Soleil. Vous pouvez découvrir son univers à annieblanchard.com. Parlant d'univers, un univers européen fort intéressant, mais qui vient de la Colombie-Britannique, La Rivière de Loïg Morin en 5e, avec son site internet, c'est loïgmorin.com. En 4e, eh bien, Sean Ferguson, Récidive, avec Résilience, un album instrumental fort intéressant. Vous allez sur agencewade.com, /Sean Trédillon Ferguson, Sean S-H-A-U-N. Donc, en 3e, on avait l'auteur-compositrice-interprète d'Ottawa, Christine Saint-Pierre, et son album La Promesse, très très bel album. Allez faire un tour sur christinesaintpierre.com, Christine, c'est avec un K. En 2e, eh bien, c'est Horizon de Vishtun, un groupe acadien de l'île du Prince-Édouard, vishtun.net. Et en première position, mon meilleur disque que j'ai reçu cette année, c'est Inscape d'Alexandra Strelitzky. Allez découvrir cette artiste-là, elle est magnifique. AlexandraStrelitzky.com. Donc voilà pour mon top 10. Rapidement, je tiens à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça à chaque semaine de vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Elisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chétiquan, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba. CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup. Vous avez des suggestions, des commentaires, envoyez-moi ça à canrockcdn@commercial.gmail.com. Le temps file, j'ai juste le temps de vous dire joyeuses fêtes, bonne année 2019, on se reparle plus tard. Bye bye!